Hitler, pis ben de beaucoup de gens de sa gang, pis d'autres, se servent du pouvoir. Il y a beaucoup d'occultistes qui vous disent qu'ils se servent du pouvoir, mais qui ont aucune conscience. C'est pas parce que t'as des pouvoirs que t'es conscient. C'est ça que je vous dis quand je vous dis, si ça marche, faites attention. L'Atlantide s'est détruite à cause de ça. Puis dans nos recherches occultes, dans nos recherches ésotériques, dans notre recherche spirituelle, on entre en contact avec la connaissance que ça existe, ces affaires-là. Puis là, l'ego rentre en jeu. Là. Il y a des gens qui vont aux Indes, qui vont dépenser 4-5 000 piastres pour se faire donner, pour aller chercher un pouvoir quelconque. Puis ils reviennent avec un billet d'avion. Ah. Puis c'est très spécifié dans les annales que l'homme de la sixième race n'aura pas de pouvoir, il sera dans le pouvoir. Puis ceux qui auront le pouvoir ne seront pas, ne feront pas partie des fils de lumière, feront partie des fils, des fils, ou des réincarnations des fils de lumière. Pourriez-vous donner un exemple de ce que c'est que d'être dans le pouvoir? Ben non! Quand t'es dans le pouvoir, tu donnes pas l'exemple. Non, je ne peux pas dire à faire quelque chose, mais qu'est-ce que c'est que ça pourrait être? Je veux dire, L'énergie passe, puis c'est l'énergie qui agit à travers tout comme canal. Si t'as faim, si t'es sur une île déserte, puis t'as faim, puis il n'y a pas de nourriture, t'en matérialises. Bon, par exemple. Bon, pour que t'aies faim, c'est pas des cas. Alors, l'ego doit être transmuté. L'ego doit devenir invisible à lui-même. Et il le devient, petit à petit, invisible à lui-même. Puis c'est là que l'ego panique. Parce que l'ego, quand il devient invisible à lui-même, il n'aime pas ça. Quand tu dis, c'est pas des gars. Il y a certaines gens dans une pays sur l'île de Pâques qui sont morts de faim. C'est dû à quoi? C'est pas son même pouvoir. Inconscient. Ça fait partie de leur karma. Ça, c'est leur bébé. C'est leur problème. Parce qu'il est en relation avec des... Ça fait partie de leur karma. Mauvais contact, quoi. Ça fait partie de leur karma. On était-tu en terre avant, on est... pour expérimenter la vie physique, et... Donc, on vient de nos clans. On n'a jamais eu de mental dans le passé qu'on aura dans l'avenir. Parce que plus on avance, plus on développe des corps subtils. Dans le passé, c'est notre corps astral qu'on se servait. Mais le corps astral, c'est extrêmement limité. Mais l'homme avait des pouvoirs. Mais si je parle de claquer les poids, elle reste dans une autre dimension. C'est pas autre que là, moi, si je dis, ça va faire un rapport de la terre, là. Disons que, moi, je viendrai la planète. Appelons ça la planète au bout du bout. Donc, ce plan-là travaille le mental et non le psychique. Ouais. Est habitué de créer et par la force du mental. Ouais. Bon. Si vous revenez dans le corps matériel, sur le plan matériel, vous êtes obligé de passer par le cycle d'évolution de la matière ici. Bon, mais c'est ça, est-ce que c'est possible que, ayant débuté sur un plan mental, pour expérimenter, disons, sur, c'est difficile à expliquer. Vous pouvez partir d'un plan supérieur, venir dans un plan inférieur, pour éventuellement revenir au plan supérieur, mais vous êtes obligé de passer par les phases d'éducation, d'instruction, de transmission, de conscientiser. Mais pourquoi quelqu'un voudrait faire ça, par exemple?